Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange et à la semaine prochaine. En annonçant le déremboursement à partir du 1er août prochain de 4 médicaments employés pour lutter contre les symptômes de la maladie d'Alzheimer, la ministre de la Santé s'est attirée les foudres des associations de lutte contre cette maladie. En annonçant une réévaluation scientifique des effets des médicaments homéopathiques et en ouvrant ainsi la voie à leur prochain déremboursement, la même ministre s'est attirée cette fois les foudres des homéopathes. Mais pour quelles raisons et à quelle hauteur sont remboursés les médicaments? Quels sont les processus de décision et pourquoi de plus en plus de médicaments sont-ils déremboursés? Médicaments, le remboursement, c'est plus automatique, c'est l'épineux problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder ce problème très sensible en France, de la prise en charge des médicaments par l'assurance maladie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Bégaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux, membre du Centre de recherche INSERM 12-19, pharmacoépidémiologie et évaluation de l'impact des produits de santé sur les populations. Et Claude Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Vous pouvez suivre, comme tous les jours, cette émission sur les ondes et sur Twitter en vous abonnant à notre compte Twitter, @laméthodefc. Alors, on l'a vu, je le disais à l'instant, avec l'annonce du déremboursement de ces 4 médicaments de lutte contre les symptômes de la maladie d'Alzheimer, chaque déremboursement suscite une levée de boucliers des médecins, des citoyens, des laboratoires. C'est très compliqué aujourd'hui encore, finalement, d'objectiver le déremboursement des médicaments, Claude Le Pen. Oui, c'est vrai, la population est troublée par le fait qu'on a laissé des médicaments remboursés pendant longtemps, puis brusquement on les dérembourse. Les premiers déremboursements sont intervenus à la fin des années 70, avec les antiasthéniques, les vitamines, etc., qui ont été déremboursés. Le gros stock, si vous voulez, c'est à partir de 99, quand le ministère a fait une réévaluation ex post de tous les médicaments existants, et il y a eu une série. Alors, certains ont été classés comme étant un service médical rendu insuffisant. Nous, on appelle ça SMRI. Bon. Et ces médicaments à service médical rendu insuffisant n'ont pas le mérite, ne méritent pas d'être remboursés par la collectivité. Donc, il y a eu plusieurs vagues de déremboursement. La grosse vague, c'était en 2006. Plusieurs centaines de médicaments ont été déremboursés. Ça s'est un peu tari par la suite parce qu'il y avait moins de produits. Et puis parce que l'opinion publique n'aime pas ça, il y a eu 2-3 opérations récentes, celles d'Alzheimer que vous rappelez, il y a eu ce qu'on appelle les ASAL, c'est-à-dire les antiarthrosiques d'action lente, qu'on connaît bien Bernard, qui ont été également déremboursés il y a 2-3 ans, et puis aujourd'hui il y a sur la sellette, l'homéopathie, et puis les produits de désensibilisation des allergies qui sont effectivement en train d'être discutés. Et dont on va reparler tout à l'heure, puisque ce sera l'objet de notre reportage du jour. Bernard Bégaud, justement, sur cette difficulté aujourd'hui de faire passer un message qu'on pourrait penser, si on se place d'un point de vue scientifique, relativement simple à objectiver. On peut dire, par le passé, certains médicaments étaient efficaces et puis d'autres médicaments ont pris le relais, ou alors la culture française sur laquelle on va revenir voulait qu'on remboursait tout, et puis petit à petit on s'est rendu compte que tout de même il y avait des médicaments dont le service rendu n'était pas scientifiquement suffisamment établi pour porter un coup à l'assurance sociale de solidarité française. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué finalement d'expliquer ça de manière un peu objectivée? Je ne sais pas. Nous sommes un pays latin, bon, avec beaucoup d'opposition. C'est oui-non. Bon, jusqu'à une période récente, la politique du centre n'avait pas grande chance en France. Et c'est vrai que chaque fois, c'est des oppositions très violentes. On le voit pour les anti-Alzheimer, certains disant « mais c'est scandaleux qu'on les ait remboursés jusqu'à présent », et d'autres, on ne peut absolument pas s'en passer. En fait, ce qui manque, et ce qui est plus fréquent dans les pays anglo-saxons, c'est d'abord un raisonnement de santé publique, enfin, je défends évidemment un petit peu ma paroisse, mais aussi de raisonner sur des faits, et non pas sur des anathèmes ou des excommunications. Et effectivement, on le voit, bon, vous avez cité peut-être tout à l'heure les statines, bon, où là encore, c'est blanc-noir. En fait, c'est pas blanc-noir. Il y a des prêtres qui excommunient les statines totalement, ce qui est absolument absurde, parce qu'elles sont très efficaces dans certaines indications, alors que des études montrent, mais qui ne sont pas prises en compte, qu'elles ne sont pas du tout efficaces chez les gens qui sont à faible risque. Donc, c'est pas blanc-noir, c'est simplement modulé. Et pour les anti-Alzheimer, on en reparlera, mais il y a des solutions plus raisonnables. Les gens ont un rapport aux médicaments très affectif. Mais comment ça fait partie de leur vie, c'est quelque chose qu'ils ingèrent, qu'ils mangent. Il y a beaucoup d'espoir, c'est censé guérir la maladie, éloigner le spectre de la mort. Donc on n'a pas un rapport scientifique à un objet qui, de plus en plus, est un objet qui se veut scientifique. C'est-à-dire que dans l'évolution des médicaments qui remontent à la plus haute antiquité, hein, Galien de Pergame, etc., on a toujours fait des préparations magistrales, etc. Et le médicament est devenu un objet scientifique dans la deuxième moitié du XXe siècle, hein, avec des évaluations extrêmement sophistiquées, aussi bien pharmacologiques que en termes de santé publique sur des populations, sur des individus et sur des populations. Mais dans le même temps, disons le rapport aux médicaments est resté assez archaïque. C'est une espèce d'hostie qu'on mange et qui doit vous guérir un petit peu de tout. Voilà, il y a ce rapport très ambigu aux médicaments. Et c'est selon vous très français ça ou c'est international? Je crois que c'est international. Nous en France, il y a peut-être dans les pays latins, je dirais peut-être un rapport un peu plus passionnel. Le paradoxe, c'est que notre modèle français, un peu contrairement à ce que vous avez dit, depuis l'origine, depuis 45, fait la dissociation entre le fait d'être sur le marché et le fait d'être remboursé. C'est-à-dire que tous les médicaments qui ont une AMM en France n'ont pas vocation à être remboursés. Il y a une liste spécifique de médicaments remboursables. On va revenir très clairement et on va prendre du temps pour expliquer comment un médicament justement se fait délivrer cette autorisation de mise sur le marché et puis progressivement ce qui justifie ou non un certain taux de remboursement, pas du tout, quel taux. On va vraiment détailler tout ça parce que c'est important que l'on comprenne bien ces mécanismes-là justement. Des mécanismes relativement objectifs. Peut-être un mot sur la particularité française qui est tout de même celle de la culture de la quasi-gratuité des médicaments, Bernard Bégaud. Oui, alors ça c'est... Précisément depuis 45. Oui, depuis 45, effectivement, on a une protection sociale qui est assez exceptionnelle et qui est effectivement universelle. Contrairement à beaucoup de pays où c'est soit modulé en fonction des revenus, enfin avec des mutuelles comme les États-Unis, ou en fonction des régions comme en Allemagne, enfin bon, on a effectivement un modèle assez exceptionnel. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de raisonnement de fond sur ce que l'on veut de cette protection sociale. Parce que s'affrontent, sans être trop long, deux choses. Le principe de gratuité des soins de 1945, et aujourd'hui, des gens qui disent il faut dérembourser des médicaments qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité pour laisser de la place, si j'ose dire, aux médicaments innovants extrêmement coûteux qui arrivent et qui vont sauver évidemment des malades en état très grave. C'est un choix à faire et c'est vraiment deux paradigmes complètement différents et ceci n'a pas été suffisamment discuté et effectivement, ce qui explique aussi beaucoup de soubresauts. Mais c'est vrai qu'on entend souvent Claude Le Pen dans la critique du déremboursement indépendamment, finalement de l'examen de l'efficience ou de l'efficacité des médicaments, on entend souvent la critique de dire dérembourser des médicaments, c'est porter atteinte à ce principe de gratuité du soin, de la santé et de se faire soigner des médicaments en France. Absolument, d'autant que le discours public sur l'efficacité et n'est pas très bien compris et les gens y voient une arrière-pensée économique. Ils disent, au fond, ma santé, ils s'en fichent, ils veulent faire des économies sur ma santé en me privant d'un médicament que je consomme depuis un certain temps, que mon médecin prescrit, qui me fait peut-être pas énormément de bien, mais en tout cas pas de mal, parce que en général leur efficacité est limitée dans les deux cas. Voilà. Et donc c'est vu comme, disons, un retrait, la perte d'un avantage par rapport, disons, à cet accès effectivement assez universel. Alors, si vous voulez, c'est la crise de deux discours, le discours scientifique et puis le discours étatique. Le discours scientifique qui dit ce médicament est efficace ou pas, mais il le dit sur des statistiques. Moi, je sais. Moi, je le prends. Je sais. Mmh. Et puis le discours étatique. Au fond, derrière ça, il y a des économies parce que in fine, ce qu'ils veulent, c'est diminuer les dépenses de la Sécu. Et voilà. Et donc, il y a une arrière-pensée. Le public interprète ça avec des arrière-pensées qui sont pas complètement fausses d'un côté, mais pas non plus justifiées de l'autre. Comme le disait Bernard, tout ça, c'est dans la nuance. Voilà. Et on remplace, le côté sophistiqué ou compliqué du problème par des jugements abrupts qui ne reflètent pas la réalité. On voit bien qu'on a du mal à transmettre. On parlera de l'homéopathie, évidemment, au cours de cette heure. On a du mal mal à transmettre au grand public, aux citoyens, l'idée de dire ce médicament est retiré du marché et déremboursé parce que nous avons des preuves scientifiques suffisantes qu'il ne fonctionne pas ou qu'il n'a pas plus d'effet qu'un placebo, parce qu'on se retrouve avec en face de nous la valeur du témoignage, de dire « oui, mais sur moi ça marche, sur mon enfant ça a marché ». Et on voit bien qu'il y a une vraie difficulté, Bernard Bégaud, des autorités médicales, des autorités sanitaires, à diffuser justement ce message de rationalisation, de dire « ce n'est pas parce que ça marche sur une personne que c'est une preuve suffisante de l'efficacité du médicament ». Oui, alors très rapidement, il y a deux réponses à faire. D'abord, il n'y a pas toujours des preuves que ça ne marche pas. Il y a des fois, c'est déremboursé parce qu'on n'a pas d'éléments prouvant que ça marche. Vous voyez, bon, pas de démonstration convaincante de l'efficacité. Ce qui est différent quand même. Hein, et parmi les grands déremboursements des années 90, il y a eu beaucoup de médicaments, bon, qui marchent, mais qui étaient jugés dans des affections mineures. Alors, je vais pas être grossier, mais enfin, il y avait effectivement des produits comme les anti-hémorroïdaires, etc., qui ont été déremboursés massivement, alors que pour les gens, ils avaient une utilité. Ensuite, deuxièmement, il peut y avoir des solutions intermédiaires. Je ne vais pas reparler des anti-Alzheimer, mais par exemple au Canada, ces produits, parce que c'est toujours le débat, en disant « ah oui, oui, alors il n'y a pas de démonstration convaincante sur les études cliniques », mais des gens disent « ah, mais des neurologues vous disent, ah oui, mais chez certains patients, ça semble être très efficace ». Mais il y a une solution, c'est comme le font les Canadiens, c'est de le rembourser chez les gens chez lesquels ça marche. Donc il y a 6 mois de prescription remboursée, et en fonction d'un test qui est très facile à faire, qu'on appelle le test de Foley ou le MMS, si pendant ces 6 mois, les malades ont perdu plus de 3 points, se sont dégradés plus de 3 points, le reste n'est plus remboursé. Et on maintient chez les autres. Donc, vous voyez, c'est une solution intermédiaire, et il y en a des solutions intermédiaires. Et ça pourrait fonctionner, ça pourrait entrer dans le système de déremboursement français ? De remboursement plutôt, Claude Lepel ? Plutôt dans le système de remboursement. Oui. On réfléchit aujourd'hui, c'est une des options, notamment pour les médicaments les plus chers, les médicaments hors de prix en oncologie, à ce qu'on appelle des contrats de performance ou des contrats de partage du risque, où il y aurait une indexation, où disons, le laboratoire rembourserait les patients sur lesquels le traitement n'a pas marché. Bon. Donc c'est des choses qu'on essaye d'expérimenter. C'est compliqué à faire parce qu'il faut des critères, des durées, un suivi des patients, puis c'est pas des patients qui sont dans des essais cliniques, c'est des patients qui sont tout venants, donc c'est assez compliqué à suivre, mais c'est une direction. Il y a un mot important qu'a dit Bernard, c'est le mot utilité. C'est-à-dire qu'un traitement peut être utile pour un praticien sans être efficace nécessairement au sens pharmacologique du terme. Et c'est souvent par exemple l'homéopathie, on va en parler, ou des traitements qui, ok, sont pas, disons, dans la stricte rigueur de l'evidence-based medicine avec 50 critères, un suivi pendant 5 ans, 10 000 essais, etc. Bon, c'est pas, effectivement, ça ne prétend pas avoir une efficacité. Cela étant, dans la relation médecin-malade, ça peut être utile parce que c'est un vecteur de communication, c'est une raison pour laquelle le patient revient régulièrement voir son médecin pour obtenir son renouvellement. Ça permet de faire un petit peu le lien, le suivi. Et c'est un des arguments, d'ailleurs, que les neurologues ont opposé au déremboursement des anti-Alzheimer. Ils ont dit, on perd un des liens qu'on a avec nos patients. Il faut rappeler, pour être complet, que la ministre a corrélé ce déremboursement à une augmentation des budgets de la prise en charge dans les établissements spécialisés. Il faut le rappeler que ce n'est pas un déremboursement à sens unique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13 sur France Culture, nous parlons donc de la politique de remboursement et de déremboursement des médicaments en France tout au long de cette heure avec Bernard Bégaud et Claude Le Pen. On va reprendre la démarche depuis le début parce que c'est vraiment intéressant de comprendre, parce que c'est une démarche effectivement relativement complexe. Le cheminement qui conduit de la mise sur le marché d'un médicament à la décision de son remboursement et de son taux de remboursement, parce qu'il n'y a pas qu'un seul taux. Un médicament n'est pas ou blanc ou noir ou remboursé et déremboursé. Il y a différents taux qui vont de 100% à 15% de remboursement. Peut-être commencer simplement par le début qui veut commencer Bernard Bégaud sur ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Qu'est-ce que c'est ? Quelle instance décrète l'autorisation pour un laboratoire de mettre un produit, une molécule sur le marché? Alors, pendant très longtemps, en France, ça a été ce qu'on appelle la commission d'autorisation de mise sur le marché qui a fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, bon, pratiquement toutes les AMM sont européennes au niveau de l'agence européenne, par une commission également. Donc là, ce qui est regardé, c'est si le niveau d'efficacité et de risque du médicament est acceptable, enfin, compte tenu du contexte, évidemment, pour qu'il puisse être mis sur le marché. Donc il faut apporter une démonstration qui est faite en général par ce qu'on appelle des essais cliniques. Alors ces essais cliniques sont évidemment irréfutables quant à leurs conclusions, à moins qu'ils soient vraiment très biaisés, comme ça a été le cas pour certains produits. Mais, donc il y a des conflits d'intérêts qui peuvent produire, produire aussi. Mais ils ne reflètent pas, et c'est comme leur problème, toujours la future réalité d'emploi des médicaments. Parce que les patients sont très triés, vous voyez, avec des critères, les modes de surveillance ne correspondent pas à la pratique réelle. Et donc, effectivement, et après, il faut se demander qu'est-ce qui va se passer après. On peut difficilement déduire totalement l'intérêt pour la santé publique d'un médicament à partir des seuls essais cliniques, même s'ils sont la partie la plus robuste. Donc voilà, alors une fois que la commission a statué en disant oui, eh bien c'est un droit d'entrée sur le marché, et après, le produit peut y aller comme ça, ou, ce qui est pratiquement toujours le cas, solliciter un remboursement, et là, on entre dans un autre épisode. Claude Le Pen. Épisode 2. Donc épisode alors, 1, avant, peut-être un mot tout de même qui est important. Je retiens un peu les rênes du char. La transition qui était parfaite. c'est l'épisode 1 bis, tout de même, qui va être important, c'est l'autorisation temporaire d'utilisation. Peut-être dire un mot, que c'est quelque chose d'assez récent qui est lié à l'histoire du VIH. C'est lié à l'histoire du VIH. Ça a été introduit par la loi Huriez qui a réglé les effets cliniques dans les années 80. Et l'idée, effectivement, est de dire certains produits peuvent être administrés à des patients en France dans un cadre hospitalier sans avoir encore l'AMM. Donc de manière à anticiper et de manière à pourvoir, à permettre aux gens, pour des raisons compassionnelles, d'avoir un accès à un traitement dont on perçoit, dont on présume qu'il sera efficace, à attendre tout le développement clinique. C'est pour aller rapidement sur des maladies très graves, donc en oncologie, alors, en l'occurrence sur le VIH. C'est un peu contesté parce qu'il y a après il y a tout un environnement économique de cette pratique sur lequel on pourrait rentrer, mais qui nous amènerait très très loin, vraiment très loin. Ça existe encore. Aujourd'hui, c'est plus tellement le VIH, c'est plutôt sur les médicaments anticancéreux, notamment sur les médicaments anticancéreux de deuxième, troisième ligne quand les patients sont après d'échecs, disons, de traitement. Aujourd'hui, si vous voulez, la plupart des médicaments nouveaux sont des médicaments, c'est plus des médicaments de ce que nous appelons de soins primaires. C'est des médicaments qui viennent rattraper en quelque sorte des patients en échec de traitement. Mais le soin primaire, pratiquement toutes les pathologies, y compris le cancer, c'est aujourd'hui couvert très bien par des génériques. Bon, simplement, ils ne marchent pas à 100%, et donc il faut des médicaments plus sophistiqués pour rattraper un petit peu le cas. Ça, c'est l'événement 1 bis. Ça, c'est 1 bis. Alors, passons au chapitre 2. Le chapitre 1, qu'a rappelé Bernard, il est universel. C'est-à-dire qu'il vaut pour les 28 ou 27 pays de l'Europe pour l'instant. On verra ce qui se passera avec le Brexit. C'est une question assez intéressante savoir si les AMM vont être aussi pour les Anglais ou pour nous. Bon, problème. Bon, alors, donc en revanche, l'étape 2, la phase 2, elle est purement française. Donc, elle relève un petit peu de notre philosophie. Tout produit qui a une AMM doit en plus demander une autorisation de remboursement ou une autorisation d'être utilisé dans les hôpitaux. Voilà, ils sont potentiellement sur le marché, mais ils ne sont ni remboursables, ni utilisables dans les hôpitaux, à moins d'être jugés qu'ils le méritent après l'avis de cette commission. Alors, cette commission s'appelle la commission de la transparence. Sous l'autorité de la Haute Autorité de Santé. Elle est composée de 21 experts, exclusivement médicaux, plus un représentant des patients, et puis il y a des membres institutionnels, mais qui ne votent pas, qui sont là pour observer, pour donner des éléments, mais qui ne sont pas des membres votants de cette commission. Et cette commission, elle se prononce sur deux critères qui se font découler beaucoup d'encre dans le milieu. Le premier, c'est le service médical rendu. C'est-à-dire, est-ce que le SMR, est-ce que le médicament rend un service médical rendu, dit la loi, suffisant ou pas? Donc c'est un critère un peu assez binaire. Arrêtons-nous sur ce critère juste. Qu'est-ce que c'est précisément? Parce que c'est intéressant, parce qu'il y a un certain nombre de... On peut le décomposer en plusieurs critères. Qu'est-ce que c'est qu'un service médical rendu aujourd'hui, selon la loi française? Selon la loi française, le service médical rendu dépend de l'efficacité et de la tolérance du médicament. Donc ça, c'est l'AMM qui nous le dit. Dépend de la gravité de la pathologie. Dépend de l'existence d'alternatives thérapeutiques, dépend de la place dans la stratégie thérapeutique, est-ce que c'est justement des médicaments de recours, etc. Répond de l'intérêt de santé publique. Voilà, il y a un critère un peu fourre-tout qui arrive à la fin. C'est nous qui l'avons introduit en 2002. C'est Bernard qui a porté ce critère, effectivement, l'intérêt de santé publique. Il allait en dire du mal. Non, je ne vais pas en dire du mal. On va vous demander des comptes, faites attention. Non, mais simplement, c'est un critère qui est un peu résume tous les autres, mm-hmm. hein, parce que bon, voilà, c'est un petit peu un critère synthétique. Voilà. Et donc cette commission juge, et alors de manière assez sérieuse, hein, c'est-à-dire qu'un rapport de la commission de la transparence, on l'espère, rapport... non, mais ça, c'est sérieux, tout de même. Je suis pas médecin, je suis pas pharmacologue, si vous voulez. Donc je lis ces rapports, c'est des rapports longs, c'est assez fouillé. Il y a toutes les études sont examinées, et à la fin il y a, c'est traduit en anglais, hein, donc c'est sur la base des essais cliniques uniquement. C'est principalement à 90% sur la base des essais cliniques. C'est d'ailleurs une des limites de l'exercice. Mmh. Et on pourrait, comme le dit Bernard, introduire des essais post-essais cliniques, ce que nous appelons quelquefois la phase 4, ou disons les essais de vie réelle. Sur une cohorte un peu plus large dans l'utilisation réelle, ce qui se passe de plus en plus, de plus en plus souvent. Un mot sur ce SMR, Bernard Bégaud. Que peut-on en dire pour essayer de bien comprendre ce qui permet d'évaluer ou pas? Parce que finalement, quand on a une liste d'essais cliniques, les essais cliniques ne présentent pas de défauts majeurs, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, qu'on se rend compte qu'il y a une efficacité manifeste d'une molécule, d'un médicament sur les patients, que ça a un effet qui est supérieur à l'effet placebo, rappelons-le, parce que ce sera important quand on reparlera de l'homéopathie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce SMR? Non, mais je pense que Claude Le Pen l'a dit très très bien. Hein, alors effectivement, pour une première inscription, comme il y a eu jusqu'à présent théoriquement que les essais cliniques, c'est fondé essentiellement là-dessus. Et ce que nous, c'était Lucien Benahim, directeur général de la Santé, avait voulu introduire, je crois que c'était en 2002, c'était un raisonnement plus santé publique, d'aller au-delà, c'est-à-dire se servir de ce que l'on savait, pour essayer de modéliser, si j'ose dire, compte tenu du contexte français, sur, effectivement, bon, quel intérêt ça va avoir. C'est-à-dire, oui, vous pouvez avoir plus ou moins des pathologies plus ou moins fréquentes, parce que autant l'AMM est universelle pour les 28 pays d'Europe, autant le service médical rendu et encore plus l'amélioration du service médical rendu peuvent être plus ou moins spécifiques par pays, parce qu'on n'a pas les mêmes pathologies, enfin en tout cas les mêmes incidences, les mêmes gravités de pathologies, les mêmes types de recours aux soins, vous voyez, ben, donc les mêmes alternatives, donc tout ça se définit quand même plus nationalement, si j'ose dire. Et donc, effectivement, on avait souhaité qu'il y ait aussi une mise en perspective, voilà, d'essayer de prévoir, en gros, ben, ça va faire quoi par rapport à ce qu'il y a. Enfin, ça, c'est l'amélioration, mais oui, d'essayer de le mettre en perspective. Parlons de l'autre versant, l'ASMR, c'est-à-dire l'amélioration du service médical rendu. Ça, c'est très simple, ça. Enfin bon, Non, mais là, c'est très simple. Alors, on va le faire à deux, mais qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce qu'il y a. Et là, il y a cinq niveaux. Donc, alors, soit c'est majeur, c'est-à-dire c'est le niveau 1, c'est le vraiment, il y avait rien ou en tout cas rien d'efficace et ça change la vie. Vous voyez, bon, alors il y en a plus beaucoup. Enfin, il y en a eu. Hein, bah, c'est l'arrivée de certains traitements dans le leucémie myéloïde chronique. Ça aurait été les antibiotiques en 1948. Mmh. Bon, l'immunothérapie peut-être. L'immunothérapie. Mmh. Enfin, et encore. Vous voyez, c'est vraiment la chose jusqu'à 5. Où là, il y a absolument d'absence d'amélioration. Donc, et ça signe le fait que sur le plan de la négociation, de prix, ça va jouer évidemment beaucoup. Bien sûr. Parce qu'après, il y a l'étape 3. Tout ça pour comprendre, on sort de cette commission de transparence avec. On est muni de deux choses. Avec un avis de SMR qui dit qualité majeure, important, modéré, faible, insuffisant. S'il n'y a pas de SMR reconnu, ça s'arrête. Ça s'arrête là. Donc le médicament est muni de deux caractéristiques. Il a un ASMR suffisant, voilà. Et après on peut le grader. Mmh. Et puis il a une ASMR de 1 à 5. D'accord. Alors le ASMR suffisant fait qu'il poursuit. Le ASMR 1 à 5 fait qu'on va le tarifer. Et donc cette information est transmise à un troisième comité, le comité économique des produits de santé, qui a été créé dans les années 90. C'est intéressant, autrefois c'est le cabinet du ministre qui faisait ça. Et donc, il y avait quelques soupçons que ça pouvait entraîner parfois des compensations en termes d'implantation, etc., etc. Donc, on a dépolitisé le système très clairement, dans les années 90, et confié à une commission, là encore, une commission d'une trentaine de personnes. Alors, ce sont exclusivement des administrations publiques. Hein. L'industrie ne figure ni dans la commission de transparence, ni dans le comité. Elle ne figure pas dans aucune des deux commissions. Et ce comité économique des produits de santé est chargé de négocier... Plus, pour la commission de transparence, elle ne figure plus. Elle ne figure plus. Il y avait un représentant. Il y avait un représentant autrefois. Avant le médiateur. Avant le médiateur, il y en avait un, il n'y en a plus. Et au CEPS, il n'y en a jamais eu. Et donc, voilà, ce CPS négocie un prix. Sur quoi ? Négocie un prix donc avec le laboratoire, quand avec même. Avec le laboratoire. Ils sortent pas un tarif de leur poche qu'ils imposent au laboratoire. Non, le laboratoire fait une proposition de prix. Mm-hmm. Et voilà. En général, une proposition de prix qui correspond à ce qu'ils appellent le prix européen, c'est à peu près le prix en Angleterre, en Allemagne. Et puis, en général, le comité trouve ça trop cher et donc commence à négocier pour baisser. Alors, les critères sont aussi dans la loi. Hein, tout ça est assez cadré, en fait. Hein. Donc, les critères, c'est le niveau d'amélioration du service qu'elle a rendu. Le critère principal, hein, c'est principalement sur, si vous êtes un ou deux, vous êtes le breakthrough qui change la vie des patients, vous avez le droit à une prime. Bon, si vous êtes cinq... Concrètement, ça veut dire que le médicament peut coûter beaucoup plus cher. Plus cher. Voilà. Il a le droit de coûter plus cher que les autres. Cher, voilà. Bon. Et si vous êtes cinq, ça ne vous apporte rien, vous avez l'obligation de coûter moins cher. Bon, voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Ce qui existait déjà, bien sûr. Bon, donc voilà, donc on vous décote. Mmh. Alors, et maintenant, même si c'est quatre, maintenant, même si l'apport est mineur, on vous décote quand même un peu. On décote beaucoup si vous êtes 5, et on vous décote un petit peu. Vous commencez à être un peu plus cher que le concurrent à partir de 3. D'accord. Ouais, bon. Ça, c'est pour l'amélioration du service alors, rendu, mais hein, on la SMR. Voilà. Alors, dans la négociation de prix, on prend en compte d'autres facteurs. Par exemple, on prend en compte quand même les prix étrangers. Hein, ça rentre dans les pays européens. On prend en compte la taille de la population. Plus la taille de la population est large, plus le prix sera de la population de patients. Évolue, oui. C'est très important, ça. Hein. Mmh. Le critère, la commission de transparence définit la population cible. C'est un critère qui est devenu très important. Il ne faut pas oublier que... C'est-à-dire que plus la population est large, plus le prix plus est bas. Et bas. Oui. Bah oui, c'est-à-dire que l'idée... Oui, c'est logique, mais bon, c'est jamais... Non, mais parce que le comité économique des produits de santé fixe des prix, mais en fait, il s'intéresse à la dépense. Bon, ce qui intéresse vraiment, c'est combien ça va coûter à la Sécu. Donc c'est prix multiplié par nombre de patients. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc voilà, donc c'est une négociation qui est compliquée, qui est longue, parce que le laboratoire dit non, etc. Bon, donc il y a un rapport de force qui finit à la fin par un accord. Les autorités de tutelle ont intérêt à ce que les patients aient accès au traitement, notamment s'il a une SMR positive. Le laboratoire a intérêt à vendre son produit en France, parce que c'est quand même un gros marché, et donc on peut pas trop s'en passer. Donc tout ça fait qu'il y a une négociation qui, en général, finit par aboutir. Quelquefois, c'est très long. Hein. On est très long. C'est-à-dire que, par rapport à d'autres pays, tout le processus dure près de 200 jours, 280 jours. Mmh, donc oui, c'est très long. C'est très long. Et là, une fois qu'on a fixé le prix, ensuite reste à fixer encore le taux de remboursement. Et ça, c'est encore une autre instance. C'est l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui va fixer Bernard Bégaud. Oui, c'est plus tout à fait. Non, c'est pas exactement ça. C'est que le niveau de SMR, oui, on disait tout à l'heure qu'il était insuffisant ou pas, bon, mais en fait, il est hiérarchisé, faible, moyen, etc. Et un taux de remboursement est attaché à chacun de ces niveaux. Oui. Donc, il y a en France 4 taux de remboursement, 15, 30, 65 et 100%. Et ce que peut faire, vous avez quand même raison sur un point, c'est que l'UNCAM a le droit par la loi, mais il l'exerce assez peu, de moduler ses taux dans certaines limites. Donc, de moduler dans la limite de 5%, c'est tôt. Mais en fait, ils le font assez peu. D'accord. Et donc, l'UNCAM avalise, en général, les décisions et les taux de remboursement qui ont été fixés par le SMR. Bernard Bégaud, sur ce système, on voit que c'est un système quand même effectivement assez long, comme vient de le dire Claude Le Pen, assez complexe. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu des différents intervenants, compte tenu des différentes commissions, compte tenu de la multiplicité des personnes qui jugent non seulement de l'efficacité mais aussi des tarifs, on pourrait penser que ce système devrait aboutir logiquement à une forme d'objectivation non seulement des tarifs mais en plus des remboursements. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas ? Bon. C'est un système quand même qui fonctionne bien, faut quand même le dire. Hein. On attaque suffisamment souvent les institutions. C'est un système qui est assez transparent puisque maintenant les avis sont publics. Vous voyez, vous avez accès à tous les conflits d'intérêts des membres. Enfin bon, c'est un système qui, je crois, qui est vraiment, qui a fait d'énormes progrès et qui est crédible. Bon, après, ça ne résout pas le problème de fond qui est qu'est-ce qu'on veut faire avec la dépense de santé, en particulier en matière de médicaments, vous voyez. Parce que ce système, il a été délocalisé à des agences, sauf le CEPS, hein, qui reste quand même avec une mainmise institutionnelle très forte. Mais c'est le comité économique des produits de santé. C'est le comité économique des produits de santé. Mais effectivement, la création des agences de la HAS ou de la NSM, enfin pour la sécurité du médicament, a enlevé un peu le pouvoir politique au prix de l'indépendance. Donc, de fait, ce qui manque peut-être aujourd'hui, si on le voit vraiment de mars, hein, du côté vu français, ça marche très bien, du côté européen, ça marche très bien, mais si on le regarde de mars, on peut se dire, qu'est-ce qu'ils veulent faire, in fine, avec ces 34 milliards ou ces 19 milliards remboursés, voilà. Est-ce qu'on peut mieux faire? Aujourd'hui, c'est ça. La somme totale, pour 2017, c'est 19 milliards d'euros. Ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'on le regarde dossier par dossier, médicament par médicament, oui. Mais parfois, il y a des révisions de classe. Mais, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va regarder les anti-hypertenseurs, les anti-diabétiques, ont été regardés les anti-arthrosiques, et ils ont été déremboursés, du reste. Donc parfois, ça travaille produit par produit au gré des AMM, mais des fois, il y a des révisions, et il peut y avoir des révisions par classe thérapeutique. Mais en fait, ce qu'il n'y a pas, enfin selon moi, mais moi je suis peut-être un peu trop révolutionnaire, c'est une analyse... Vous voyez, de ce que l'on veut faire réellement avec ça. Parce que, vous voulez dire une politique de santé publique, ouais, du médicament? Une politique de santé publique, voilà. Qui me paraît quand même, par rapport aux Anglais, manquer en France. Mais vous dites par exemple que tout cela a été très dépolitisé. On voit que pour ce qui concerne le déremboursement des médicaments contre les symptômes de la maladie d'Alzheimer ou l'homéopathie, ce sont bien des décisions totalement politiques, puisque c'est la ministre qui les annonce, Claude Le Pen. C'est dépolitisé dans la décision sur les produits. C'est-à-dire que il y a effectivement des jugements de cette nature sur une certaine classe de médicaments. On y reviendra, c'est important, mais la décision sur un produit ne dépend plus d'une décision du genre je t'implante une usine dans ta circonscription et tu me donnes un prix rémunérateur. Ouais. Pour le coup, on peut s'en réjouir de dire que ces pratiques politiques-là sont terminées. Ça a été le cas pendant un certain temps. Oui, mais des fois, ça peut être pris en considération. Enfin, là, je vais choquer, on va avoir 2000 lettres d'injure. Allons-y. Mais, non, peut-être pas cet exemple-là, mais imaginez que l'on ferme une usine qui crée de l'emploi, le politique, c'est aussi sa responsabilité. Par exemple, les laboratoires Boiron. Oh, je sais pas, je vais pas leur porter malheur. Non, je touche du bois, mais non, je pensais pas du tout à ça. Mais effectivement, dans une politique, les Anglais n'ont aucun scrupule à jouer cette carte-là. Alors que nous, c'est-à-dire, à favoriser leur industrie pharmaceutique. Et ils l'ont favorisé dans leur décision. Absolument. Et ils l'ont favorisé de manière très lourdement pendant très très très longtemps, enfin, avec des critères discriminatoires, hein, qui ont résisté à l'Union européenne. En France, on a des scrupules à faire ça. Bon, on l'a fait notamment à une époque lointaine où les groupes étaient nationalisés, où donc Sanofi, Rhône-Poulenc représentait l'État, donc il y avait une espèce de confusion entre l'État et les entreprises. On l'a fait, Bernard et moi, nous avons vécu un certain nombre de ces opérations avec des licences données aux groupes qui n'avaient pas peu d'innovation, mais alors donner des accordements co-marketing, etc., pour qu'ils puissent vivre un petit peu quand même. Ça a quand même très largement disparu. Il y a quand même eu une moralisation, même si aujourd'hui on critique, même si aujourd'hui on dit c'est compliqué, c'est obscur, on ne comprend pas. Il est incontestable, quand on regarde le système dans la durée, qu'il y a eu une incontestable amélioration et moralisation du système. Alors excusez-moi, vous allez finir par croire que c'est obsessionnel chez moi, ça ne l'est pas. Néanmoins, puisqu'on parle de l'emprise politique sur ce type de décision-là, une fois de plus, Boiron, le laboratoire qui produit l'homéopathie en France, l'homéopathie est toujours remboursée à hauteur de 30%. L'homéopathie, il faut le rappeler peut-être aux auditeurs, ne bénéficie pas d'AMM. Est exemptée d'AMM pour des raisons qui sont pour le coup des raisons strictement politiques et précisément parce que Boiron a son siège social en France et que c'est Boiron le premier producteur au monde d'homéopathie et que les Français sont très consommateurs. Donc là, il y a bien une vraie décision, Bernard Bégaud, qui est extrêmement politique. Qui est même une décision économique. Enfin, il y a une spécificité française de l'homéopathie, comme pas de la psychanalyse. C'est vrai que les Français consomment beaucoup plus que d'autres pays de l'homéopathie, que Boiron, effectivement, le numéro un mondial. Mais enfin, il y a des traitements homéopathes en dehors de l'Hexagone. Hein. La reine d'Angleterre ne se cache pas d'être traitée par homéopathie. Oui. Enfin, peut-être, mais ensuite, là, je parle de la réalité scientifique, encore une fois. Alors, il n'y a pas d'AMM pour un médicament qui est remboursé. C'est quand même qu'il y a un problème quelque part. Que l'on connaît bien. Alors, effectivement, à la fois des raisons politiques, mais aussi des raisons techniques. C'est-à-dire qu'il est, quoi qu'on dise, assez difficile de réaliser des essais cliniques en double insu, contre référence, avec des médicaments homéopathiques. Oui, c'est assez difficile. La référence pour nous, c'est l'essai, si vous voulez, avec tirage au sort. Randomisé double aveugle. Voilà, oui, double insu. Oui, c'est-à-dire que, en fait, on a dit, mais vous avez traité par ça, vous êtes traité par ça. Bon. Il y a une telle passion dans l'homéopathie que c'est très difficile. Vous avez des patients, par exemple, qui refusent l'homéopathie en disant, je ne veux pas être traité par ça, c'est du charlatanisme, si je suis tiré au sort, je refuse de rentrer dans cet essai. Et vous avez des patients qui sont au contraire très persuadés qu'il n'y a que l'homéopathie, qui ne veulent pas être empoisonnés par par des produits chimiques. Donc déjà, c'est pas très facile. Enfin, il y a tout de même une littérature scientifique aujourd'hui qui est suffisamment foisonnante sur l'homéopathie pour montrer qu'il n'y a pas plus d'effet qu'un placebo. Enfin, je veux dire, c'est quand même il y a quand même un consensus scientifique assez fort à ce sujet-là. Non, mais on est d'accord. Non, mais je suis d'accord. Il y a pas. Bon, ce qu'on peut expliquer, c'est pourquoi cette spécificité française. Voilà. Et je ne crois pas que c'est là où je veux vous amener. Moi, je ne crois pas qu'elle se résout simplement à l'existence de Boiron. Je crois que l'existence de Boiron est plus une conséquence qu'une cause. Donc c'est une conséquence. Ça veut dire que il y a eu dans les années 1880 avec Hahnemann, avec Korsakov, Hahnemann qui est le créateur de l'homéopathie et du principe de dilution. Une espèce de principe de dilution, un milieu qui s'est créé de médecins homéopathes, de patients homéopathes. Certains disent c'est des sectes, etc. Mais c'est un milieu qui a récusé d'emblée toutes y compris les méthodes d'évaluation. Nous, on fait une médecine naturelle, on fait une médecine holistique, on découpe pas le patient en organes, en fonctions, on agit, c'est le principe de l'homéopathie. Voilà, c'est pas la médecine hippocratique. C'est pas une médecine, c'est ça. C'est pas la médecine hippocratique qui persiste. Je termine, donc, si vous voulez. Et ce milieu s'est organisé en France, en tant que petite église, quoi, je veux dire. Et on a protégé cette église. On a protégé au nom de la diversité des pratiques, de la médecine n'est pas une science exacte, au nom de il peut y avoir des alternatives, au nom de le patient est angoissé puis ça lui fait pas du mal, au nom on a en quelque sorte sanctuarisé cette pratique en acceptant de la faire sortir du lot commun de l'étude d'efficacité randomisée double aveugle. Mais pas au nom d'un laboratoire Boiron qui à l'époque n'existait pas, mais au nom plutôt de la protection d'un milieu de médecine alternative, sachant qu'en France, les médecines alternatives sont extrêmement populaires et qu'on recherche des traitements souvent anti-hippocrates, si vous voulez dire. Et on va en conclure, parce que l'émission ne porte pas sur l'homéopathie, mais c'est important de comprendre comment cette classe de médicaments ne bénéficie pas d'une AMM, mais malgré tout, donc est dérogatoire, puisqu'elle bénéficie encore, et pour quelques mois jusqu'à preuve du contraire, puisque la ministre a demandé un réexamen scientifique des vertus de l'homéopathie, d'un remboursement malgré le fait à 30%, malgré le fait de ne pas intégrer ce parcours que nous venons de décrire d'efficacité de services médicaux rendus et donc de remboursement in fine. Oui, tout à fait. Non, mais sans vouloir vous irriter. j'ai aucun problème particulier avec l'homéopathie. C'est un bel exemple de ce que nous disions au début. Sur l'abord de santé publique, c'est-à-dire que la question est éminemment politique, et de reste, c'est la décision de la ministre. La question vraie est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce que les quelques... Parce qu'il faut... C'est 0,3%, je ne sais pas comment c'est. C'est peanuts. C'est 56 millions d'euros sur 19 milliards de remboursement. C'est 0,3%. Bon, est-ce que c'est un scandale? Parce qu'il y a trois arguments. Soit ça coûte trop cher, bon, ça, on ne va pas en dire que non. Soit ce sont des perte de chance par rapport à des médicaments plus efficaces, mais ça, il faudra qu'on nous le montre. Soit, effectivement, il y a une troisième raison, c'est qu'on ne veut rembourser que des médicaments qui ont apporté la preuve de leur efficacité. Alors ça, c'est un paradigme. C'est un choix politique, là encore, voilà. Alors après, il faudra voir, si on enlève l'homéopathie, est-ce que les gens vont pas aller vers autre chose et qu'est-ce que ça va coûter et qu'est-ce que ça va entraîner. C'est une vaste question, c'est un autre débat, c'est une autre émission, et on va continuer à parler de cette question plus générique, de la question des remboursements d'autres types de médicaments qui peuvent avoir fait, par exemple, plus leur preuve que les comprimés d'homéopathie, parfois. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Yeah. I'd like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack B. Neville, Jack B. Quick, Jack took the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. Can you feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Dr. Walker figure ace what he told the Jill. Come rain, come shine, come snow if it's sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you though. My Médecine de Snoop Dogg sur France Culture à 16h40, puisque nous parlons de médecine et plus précisément de médicaments et de politique de remboursement des médicaments. Nous en parlons en compagnie de Bernard Bégaud, qui est professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux, membre du Centre de Recherche INSERM 12-19, et Claude Le Pen, qui est économiste de la santé, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Alors nous évoquions tout à l'heure dans la première partie de cette émission que chaque menace de déremboursement se traduit par des bras de fer, parfois effectivement très tendus, entre les laboratoires, les spécialistes, les agents, souvent également les associations de patients ou de citoyens. C'est ce qui s'est passé récemment à propos d'une certaine classe d'allergènes, des produits employés pour désensibiliser les personnes allergiques. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé voir une allergologue qui s'est battue pour que ces médicaments ne soient pas déremboursés. Oui, et les traitements en question, ce sont les traitements allergènes personnalisés, les fameux APSI, pour allergènes préparés seulement pour un individu, qui permettent à certains patients d'éviter de subir les effets désagréables des allergies. Madeleine Epstein, qui est allergologue et vice-présidente du syndicat français des allergologues, a fait partie, vous le disiez, de ceux qui se sont battus pour ces traitements pour que ces traitements personnalisés ne soient pas déremboursés. Pardon. Si le déremboursement n'a finalement pas eu lieu, le taux de remboursement a lui bel et bien baissé pour ces APSI. Madeleine Epstein nous détaille donc les raisons pour lesquelles cette baisse du taux de remboursement est une victoire en demi-teinte par rapport à la menace qui planait de déremboursement et pourquoi elle entre en contradiction avec le discours général qui tend vers plus de médecine personnalisée. Jusque-là, nous disposions de plusieurs formes de produits pour désensibilisation. Il y avait les allergènes par voie injectable et les allergènes par voie orale, sous forme de liquide ou sous forme, le plus récemment sorti, de comprimé, qui est une avancée technologique majeure. Donc, les allergènes par voie injectable, la majorité était ce qu'on appelle des APSI, allergènes préparés spécialement pour un individu. Historiquement, on a toujours eu au début que la voie injectable, la voie orale sublinguale, c'est que depuis une vingtaine d'années qu'elle est répandue. Donc, il y a eu des circuits de remboursement qui ne passaient pas, justement, comme ce ne sont pas des médicaments, qui ne passaient pas par le circuit AMM classique. Et il a été mis en place un taux de remboursement à 65%, comme pour les médicaments, pour tous ces allergènes-là. Quand sont arrivés les comprimés de désensibilisation, le circuit de distribution était différent. C'est-à-dire, contrairement aux APSI qui étaient fabriqués directement par le laboratoire sur commande spéciale pour un individu donné, contrairement à ça, les allergènes en comprimé, qui sont toujours pas des médicaments, qui sont toujours des traitements préventifs, un petit peu comme des vaccins, eux ont dû passer par la voie classique de l'AMM. Et là, les autorités ont décidé que ces traitements de désensibilisation en comprimé ne justifiaient pas d'un remboursement ni à 65, ni à 30, mais à 15%. Alors que ça a énormément d'avantages. Donc nous, on a été très déçus. Alors, il faut bien comprendre que quand on dit qu'un médicament ou un traitement, quel qu'il soit, n'a que 15% de remboursement, ça ne veut pas dire que le traitement n'est pas efficace. Ça veut simplement dire que vis-à-vis des critères des autorités de santé, il n'apporte pas de service médical important. Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas. Ça veut dire que la maladie qu'il traite, bah, finalement, le rhume des foins, c'est pas grave, les gens peuvent avoir le nez bouché toute la nuit, ne pas dormir, ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est pas un problème de santé publique, c'est ce qui a été dit par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et donc, en fait, il y avait une distorsion énorme entre les anciens allergènes qui n'avaient pas d'AMM et qui étaient remboursés à 65%, et puis les nouveaux qui sont mieux et qui, eux, sont remboursés que à 15%. Ça faisait un moment qu'on savait que les autorités allaient se saisir du problème. Ils s'en sont saisis et ils ont préconisé le déremboursement des allergènes par voie injectable et la baisse du remboursement des autres Et là, on s'est dit, c'est la catastrophe, parce que les mutuelles qui prennent en charge le complément des traitements à 15%, c'est la moitié des mutuelles. Donc ça va faire la moitié, l'autre moitié, qui va pas pouvoir se payer des traitements. Ah, ça revient quand même à quelques dizaines d'euros par mois. Tout le monde peut pas s'offrir ça. À partir de là, donc, on s'est battu. Et on est arrivé à un compromis de 30% pour les allergènes APSI en voie sublinguale. On espère obtenir les 30% aussi pour les comprimés, parce que ce serait absurde qu'on n'aligne pas les comprimés, qui sont quand même une prouesse technologique, sur les autres. On a perdu le remboursement de la voie injectable. Ce qui reste, mais ce ne sont pas des abcis, donc ça n'était pas concerné, ce sont les venins, alors les gens qui font des allergies sévères suite à des piqûres d'abeilles ou de guêpes. Là, on a des preuves formelles que ça sauve la vie, donc là, on n'a pas touché au remboursement, mais on a des problèmes d'approvisionnement. Alors, quels ont été les arguments de la Haute Autorité de Santé pour justement baisser ce remboursement, voire dérembourser complètement ce type de traitement ? Alors, sur la voie injectable, les arguments, c'est la sécurité. En France, ça fait des années qu'on n'a pas décrit de réaction sévère à une désensibilisation par voie injectable, mais il y a eu des réactions très très sévères. Et donc, étant donné qu'on a l'alternative voie orale sublinguale avec laquelle il n'y a pas d'accident sévérissime, ils ont décidé que par sécurité, il valait mieux ne plus rembourser la voie injectable. On a toujours possibilité de la proposer à nos patients. Parce qu'en fait, les allergènes par voie injectable, cela ne coûte pas très cher. Donc, à la limite, on peut toujours la proposer. Mais la question qu'on se pose derrière, c'est est-ce que les industriels vont continuer à fabriquer des produits alors qu'ils n'auront plus le même marché dans la mesure où il n'y a plus de remboursement ? Alors, il y a un certain paradoxe aussi dans cette volonté de dérembourser ou de baisser, en tout cas, le taux de remboursement. C'est qu'on prône beaucoup la médecine personnalisée comme un modèle pour la médecine du futur. Or, ce type de traitement entre en plein dans ce type de modèle, non ? D'autant plus qu'on va de plus en plus personnaliser. C'est sûr que ces allergènes par voie sublinguale là, qui ont été baissés à 30%, c'est vrai que ça donne une grande souplesse, adaptation à la fois du type de produit, du dosage qu'on va donner. Et c'est exactement la médecine personnalisée, absolument. Alors nous, d'un côté, on se dit, bon, bah, finalement, une mutuelle à un taux de remboursement à 30%, la majorité des mutuelles prend en charge, il va quand même rester sur le carreau, là, peut-être 10% de la population qui n'ont pas de mutuelle du tout. C'est encore une inégalité d'accès aux soins. On est tellement passé à côté du 15% que finalement, on ne devrait pas se réjouir du 30%, mais on se dit qu'on a un petit peu limité les dégâts. Voilà, la question tout aussi complexe des allergènes et de leur remboursement. Un mot à ce que vous venez d'entendre, Bernard Bégaud ? Non, mais ça illustre, se le disait en aparté, c'est assez proche de l'homéopathie, enfin, à part que les risques sont pas les mêmes, parce qu'on n'a pas tué grand monde avec l'homéopathie, mais effectivement, bon, c'est une décision, c'est très difficile d'apporter des preuves irréfutables, parce que là encore, on est dans un choc tectonique de concepts, de conception. C'est-à-dire que l'AMM, la transparence, on veut des preuves, des essais. Là, c'est des méthodes, bon, qui ont fait des preuves plus ou moins empiriques et qui auxquelles on dit, ben non, vous repasserez quand vous serez mieux étayé. Donc, c'est très difficile. Bon, après, le non-remboursement des formes injectables, j'avoue, j'ai pas de compétences là-dessus. Enfin, Claude, c'est vrai que ça ressemble un petit peu. Alors, pas médicalement, ils ont le modèle à l'homéopathie, c'est-à-dire il y a un milieu, cet allergologue témoigne, qui porte, disons, de manière très convaincue, un message sur des produits que l'expertise scientifique juge non pertinents sur les critères de l'evidence-based medicine. Donc, peut-être que c'est une limite, mais un conflit entre une rationalité médicale très stricte et puis un sentiment porté par des médecins qui, en toute bonne foi et sur la base d'une expérience, considèrent que ça leur est utile. Donc on est dans ce conflit-là. Il y a derrière aussi des intérêts économiques. Il y a un laboratoire, deux laboratoires, mais un qui est plus important que l'autre, qui soutient ça, un peu comme qui joue le rôle de Boiron, si vous voulez. Et donc on a une configuration qui ressemble un petit peu. Et ce que je vous disais, c'est que une des raisons pour lesquelles ça a échappé au lieu commun, au droit commun, c'est l'existence de ce milieu. C'est que c'était porté par, une frange de médecins militants, convaincus, qui ne peuvent on peut pas prétendre que c'est efficace, mais on peut pas non plus faire des preuves négatives. On leur dit pas que c'est inefficace. Donc il y a un doute. Bon, et qui profite un petit peu de ce doute au sens un petit peu scientifique du terme quand même, hein, bon, en disant bon, ils récusent les méthodes, hein, c'est vrai, ils récusent le double insu, ils récusent un petit peu les méthodes d'évaluation au nom d'une autre approche du patient. Donc ça ressemble un petit peu tout en étant bien sûr médicalement différent. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien là qu'effectivement, comme vous dites, Bernard Bégaud, il y a un choc tectonique entre un parcours de tarification, de remboursement qui se veut objectivant sur la preuve de base scientifique, sur l'evidence-based medicine, comme vous le disiez, Claude Le Pen, et d'autre part, des exceptions qui, elles, ne relèvent pas du tout de ce principe, finalement, d'expertise médicale avérée par les pairs, par des comités objectivés, et qui, malgré tout, réussissent, finalement, à forcer un peu ce système-là. Et c'est ça que je trouve assez, peut-être, complexe à comprendre dans ce système-là, et qui va aussi, certainement, peut-être conduire certains citoyens à se dire, mais moi, mon anticancéreux qui fonctionnait sur moi et qui, lui, est evidence-based, qui était un médicament dont l'efficacité est prouvée, finalement, va être déremboursé parce que il est peut-être jugé moins efficace ou plus suffisamment efficace aujourd'hui pour donner lieu à du remboursement. C'est un message quand même très complexe à diffuser auprès des citoyens. Oui, c'est un message complexe, mais là encore, je crois qu'on peut le faire, enfin, qu'on peut expliquer les choses. Enfin, les anticancéreux, ça s'explique. Les gens n'ont aucune idée de la réalité des anticancéreux. Par exemple, en durée de survie estimée, moyenne, et montrer que ça varie beaucoup selon les gens. Enfin, c'est ces discours-là qu'il faut que les gens le comprennent très bien. Pour les anti-Alzheimer, si au bout de 6 mois, effectivement, le patient s'est dégradé, la famille comprendra très bien que ce médicament est inefficace, mais comme il a des effets indésirables, ça ne vaut pas du tout le coup, alors qu'ils hurlent à juste titre quand on leur dit « Ah ben non, c'est déremboursé », on dit « C'est scandaleux, on méprise la maladie ». Donc ça, ça s'explique, vous voyez. Bon, après, les exceptions politiques, si j'ose dire, comme l'homéopathie, les médicaments contre les sensibilisations, enfin, il n'y en a pas énormément, vous voyez, il n'y en a pas énormément. Il y a 2-3 exemples comme ça. Comme ben, c'est de là, j'ai mis 3 pour, parce que j'en oublie sûrement un, donc c'est pour rester honnête, mais j'en vois pas trop. Non, il y a peut-être les vitamines dans les années, les gens qui se bourraient de multivitamines, etc. Ouais. Bon. Aujourd'hui, finalement, tout cela pose aussi une autre question. Peut-être redire un mot quand même sur le déremboursement aujourd'hui, et là, du pressing de certains laboratoires pharmaceutiques qui veulent parfois pousser au déremboursement de certaines de leurs molécules pour pouvoir en introduire d'autres sur le marché qui sont jugé plus efficace, non, oui, pas non, du tout. Non, je sais pas. On sera pas d'accord. Oui, non. Claude Le Pen. Non, mais enfin, disons. Et Bernard Bégaud après. Les laboratoires. Alors, non, ce qui est vrai, c'est que dans un certain moment, des laboratoires qui avaient des produits innovants voulaient faire de la place dans le budget au détriment des autres. Ça, c'est incontestable. Donc, ils se sont dit, il y a des extraits de plantes, il y a des produits qui n'ont pas fait la preuve, il y a des AMM anciennes qui étaient données dans les années 50 avec des critères qui étaient assez flous. Donc, pourquoi charger le remboursement de ces coûts-là, finalement on les dérembourse, ça nous permettra de payer plus cher et mieux les traitements modernes que nous mettons sur le marché. Donc une espèce de transfert de base communicant. C'est possible. Aujourd'hui, un laboratoire qui voit son médicament déremboursé ne crie pas victoire, hein. C'est-à-dire que pour les laboratoires qui voient les médicaments d'anti-Alzheimer déremboursés, les 4 produits, ils sont pas très contents et ils ont rien à proposer à la place. Il faut rappeler peut-être là aussi, on l'a déjà dit au début de cette émission, mais qu'il y a quand même un certain nombre d'études finalement une sorte de consensus médical dans la communauté neurologique pour dire que ces médicaments, effectivement, sont peu efficaces, pour ne pas dire pas, et qu'ont des effets secondaires qui peuvent être, eux, relativement graves. Tout à fait. Alors, bon, la question qui est brandie par certains neurologues et associations, c'est de dire, globalement, c'est peu efficace, mais peut-être que ce globalement, ça vient de la majorité, chacun c'est pas efficace du tout, et de quelques patients qui répondent. Et c'est peut-être cela qu'il faudrait privilégier. C'est le débat, il est là. La différence entre les anti-Alzheimer et l'homéopathie et les apsies, c'est que là, on est dans un déremboursement hippocratique, si je puis dire. C'est-à-dire evidence-based. C'est-à-dire il y a des études, etc., des suivis de patients. On a un recul d'une dizaine d'années sur ces inhibiteurs de l'acétylcholinérase, donc on sait un petit peu ce qu'ils valent. Donc là, c'est un déremboursement dans le système. Bon. les autres sont des remboursements un petit peu hors système. Voilà. J'aimerais qu'on aborde aussi la question, parce que c'est une question qui s'est posée pour rendre plus lisible la question du remboursement, cette question des tranches de remboursement. Il y a des gens qui militent, il y a eu une tribune il n'y a pas très longtemps dans les Échos pour dire supprimons la tranche à 15% qui n'a pas de sens. Soit on rembourse, soit on rembourse complètement un médicament parce qu'il est efficace, soit on ne le rembourse pas du tout, ou on met, disons, deux tranches, allez, une à 100% pour les médicaments incontestablement efficaces et une à 50% pour des médicaments dits, alors je vais mettre ça avec 260 millions de guillemets, de confort, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine forme d'efficacité jusqu'à un certain point. Dans les 15%, il n'y a pas que des médicaments de confort. Ce qu'on appelle les médicaments de confort ont été en grande part déremboursés. Depuis les années 70, c'est les premiers à être déremboursés. Qu'est-ce qu'on appelle des médicaments de confort, peut-être repréciser-le. Médicaments de confort, je ne sais pas, c'est des médicaments qui correspondent symptomatiques, ne correspondent pas à des maladies qui sont réellement gênantes et a priori, qui peuvent entraîner un handicap ou a fortiori la mort. Bon, c'était les fortifiants, c'était les vitamines, c'était ce qu'on appelle les oxygénateurs cérébraux, c'était toutes ces choses-là. Alors ça, maintenant, c'est déremboursé. Le 15% est un faux-né. C'est-à-dire que c'est dire aux gens, vous aurez un ticket modérateur, enfin, on va dire, c'est pas un ticket modérateur, puisqu'il y a souvent, il y a des mutuelles, mais de 85% est une grande hypocrisie. Simplement, on n'a pas osé aller jusqu'au bout, vous voyez, et on a créé cette catégorie des 15%, ouais. Parce que les premiers médicaments à remboursement faible, ce qui a été introduit en, je sais plus combien, en 77, c'était 40%. Là, ça avait un sens. Mais le baisser à 15%, c'est parce qu'on n'ose pas le mettre à zéro. Et alors, ça a un sens parce qu'effectivement, un certain nombre de mutuelles, tant que c'est remboursé un peu, les 15% complète. Et si ça tombe à zéro, ben là, il n'y a plus de remboursement du tout. Cela étant, moi, je suis assez critique, si vous voulez, de cette multiplicité des taux et d'interpréter... On rappelle qu'il y en a 4, 100, 60, 30 et 15. 65, pardon. 65, 30 et 15, et zéro. Et zéro, oui. Je suis assez critique. Voilà. Je trouve que interpréter, si vous voulez, faire dépendre un taux de remboursement d'une appréciation médicale me semble être une contradiction. Bon. C'est-à-dire, le remboursement est fait pour aider les gens à se payer des traitements et à faire en sorte que ce soit égalitaire, etc. C'est une dimension sociale et économique, c'est pas une dimension médicale. Je trouve que le caractère médical, c'est l'autorisation de mise sur le marché, c'est l'accès au remboursement. À partir du moment où il s'agit de rembourser, c'est une dimension sociale. Et indexer, pourquoi un riche devrait payer, pourquoi moduler en fonction, lorsque c'est pas grave, les riches doivent payer, pas les pauvres, et inversement. Je trouve que c'est absurde. Et je pense d'ailleurs, sans anticiper, mais qu'il y a des réflexions en ce moment pour remplacer ces taux par un taux unique qui serait, enfin, il y a des réflexions, qui serait de l'ordre de 60% pour rester à dépenses constantes. Unique, c'est-à-dire avec zéro médicament à 100%. À zéro médicament. Alors, 100%, faut voir. Mais en tout cas, faire remplacer le 65, le 30 et le 15 par un taux unique. Il me semble, si vous voulez, que, d'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de pays, et même à la limite, si vous voulez, même pour aller plus loin, dans des pays comme en Angleterre ou même en Allemagne, c'est pris en charge à 100%. C'est remboursé, quoi. Bon, donc, en France, on a la police, on laisse un ticket modérateur, si on veut, mais disons, c'est changer le taux en fonction du service médical rendu me semble ne pas avoir de sens et confondre les qualités médicales avec l'accès social, le but social du remboursement. Et on retrouverait un rôle politique dans la décision dans le domaine, ce serait bien. On n'aura pas le temps d'aborder la question des génériques qui font baisser le coût des médicaments Princeps et qui, bon, bref, sont une autre émission que l'on consacrera au générique. J'aimerais peut-être pour conclure, là j'ai sous les yeux la liste des 10 médicaments remboursés qui coûtent le plus cher à l'assurance maladie. Le premier, c'est un médicament immunosuppresseur qui est prescrit pour traiter des maladies inflammatoires chroniques. On trouve beaucoup de maladies qui sont le deuxième et le troisième qui sont indiqués dans les traitements de la DMLA, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. En quatrième, c'est une statine dont vous parliez tout à l'heure, Bernard Bégaud, avec les questions qui se posent autour des statines. On trouve par exemple en huitième position la plus célèbre marque de paracétamol qui coûte aujourd'hui 202 millions d'euros de remboursement par année. Est-ce que cette liste, vous pouvez la commenter en quelques mots, dire si elle peut influer justement des politiques de remboursement, de déremboursement? Je ne sais pas, mais il y a une spécificité française. Alors, on accumule les spécificités françaises, c'est le remboursement du paracétamol. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, le paracétamol est un produit en vente libre, sans ordonnance, en prescription médicale facultative. Vous trouvez à la gare de Saint-Pancras, quand vous allez à Londres, du paracétamol, voilà. Et donc on le rembourse nous. Et là, peut-être 202 millions d'euros, c'est pas rien. Comparé aux statines, c'est pas beaucoup non plus. Voilà. Oui, les statines, alors, c'est 240 millions. Celle-là, 800 millions. Pour le reste, ces listes-là dépendent beaucoup du temps, parce que comme vous le disiez à juste titre, il y a des génériques, et les génériques bouleversent complètement, régulièrement, le classement des produits les plus vendus. Eh bien, nous referons une émission consacrée aux génériques et justement à leur poids dans le rôle, dans la diminution des coûts pour l'assurance maladie, les inquiétudes qui peuvent rester encore parfois, certaines craintes parfois non fondées. Mais bref, on en refera, ce sera l'occasion de refaire une émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Claude Le Pen, Bernard Bégaud, d'être venus nous parler de cette politique de remboursement des médicaments. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver, hein, comme depuis hier, comme tous les mercredis, les idées claires de la semaine consacrée cette semaine, à savoir si les véhicules électriques sont vraiment des véhicules propres. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne, Antoine Beauchamp, Sarah Hijement, Céline Lozen, Dominique Guette, Saint-Vulfranc, Lise Combe à la réalisation, Élise Le à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le dernier épisode de la série documentaire de la semaine, série documentaire consacrée aux marins d'Arnaud Contreras et de Guillaume Baldi. Dernier épisode sur les drogues dans le milieu maritime. Tout à l'heure, Hervé Gardette à 18h20 vous proposera du grain à moudre comme tous les jours. Aujourd'hui, la question droit d'auteur, doit-on marquer les œuvres à la culotte? Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, c'est un vendredi table ronde d'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question entre autres de l'intelligence sociale des dauphins, et oui, des nouvelles espèces découvertes cette année dans le monde, et de la toute première nation spatiale de l'humanité. Asgardia sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.